Nous sommes en 1899 dans le cabinet du substitut Boissonnade, substitut de la petite ville d'Écoute s'il pleut. Deux terreurs dominent les préoccupations des habitants de ce coin de France. La pluie et le gendarme Labour Bourax. Le substitut, ce matin-là, procède à l'examen du troisième procès-verbal dressé par cet irascible agent de l'autorité. Oh, encore ! Procès-verbal. Outrage à des représentants de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions. Dans la nuit du 17 au 18 courant, étant de service, mon collègue Soufflure et moi, notre attention a été éveillée par le tumulte d'une dispute. Nous étant rendus sur les lieux, nous y avons trouvé le menuisier Lacossade occupé à interpréter sa propriétaire à travers la porte cochère, sous prétexte que cette dernière se refusait à la lui ouvrir. Aussitôt qu'il nous aperçut, le délinquant se porta au-devant de nous et nous harangua en ces termes. Vous pouvez constater que cette vieille charogne refuse de m'ouvrir la porte. Vous pouvez le constater vous-même. Il dit, puis d'une voix où le mépris le disputait à l'arrogance, il nous jeta ce mot « dévisu », voulant exprimer par là non seulement que mon collègue et moi étions dévisus, ce qui n'était pas vrai, mais encore que nous étions de l'espèce la plus inférieure, reléguée au plus bas degré de l'échelle sociale et de tout point incompatible avec la magistrature dont nous sommes les assimilés. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais cet homme irréconciliable va devenir un danger public. Le gendarme. Le même? Mais oui, le même. Bien, monsieur le substitut. Entrez donc, gendarme. Eh bien, gendarme, que vous disais-je? La plaisanterie continue. Il paraît que le sieur Lacossade vous a qualifié de visu, vous et votre collègue Souffleur. Oui, monsieur le substitut. Savez-vous bien, mon brave, que je commence à me demander si vous jouissez de vos facultés ou si vous vous bornez à vous moquer du monde? Moi? Dévisu, mais pardieu, voilà qui est comique. Et hein? Si le moniteur de la localité venait à être mis au courant de l'anecdote, vous prendriez, j'ose le prétendre, quelque chose pour votre rhume. Non, mais je vous dis, c'est une idée fixe. Pas plus que l'épicier Nivoire, le menuisier Lacossade, n'a songé à vous faire injure. Simplement, sa propriétaire, lui refusant l'accès d'une demeure qui est sienne, il vous a invité, comme c'était son droit, à constater le flagrant délit, à le constater dévisu. Autrement dit, de vos propres yeux, par vous-même. Hein? Et parce que le sens vous échappe d'un lieu commun, d'un terme usuel, d'une locution tombée dans le domaine public, un pauvre diable passe la nuit sur la paille humide du cachot. Voilà l'action publique saisie et la justice en mouvement. En vérité, les bras m'en tombent. Et du train où vous y allez, je me demande où nous allons. Encore une fois, modérez-vous. Apportez à l'avenir moins de raideur militaire dans vos relations avec nos justiciables, un peu plus de circonspection. Circonspection. Oui, circonspection, dans votre empressement à sévir. Et rappelez-vous qu'un brave soldat peut, sans déjoueur, être un brave homme, l'un pour l'autre. Allez! Il est tout de même dur, à mon âge, de m'entendre traiter de visu par un particulier qui l'est peut-être plus que moi. Oh! À la fin, mon malheur passe mon espérance. Le gendarme Labour Bourax contre le baron Lade. Outrage à un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Mais le pire est que ça a l'air sérieux. Ah, courez de suite au cercle, huissier. Place d'armes à deux pas d'ici. Vous demanderez le baron Lade et vous l'inviterez de ma part à passer à mon cabinet, toute affaire cessante. Faites vite. Bien, monsieur le substitut. Ah, envoyez-moi Labour Bourax. Le gendarme? Eh oui, le gendarme. Eh oui, bien, monsieur le substitut. Je vois, gendarme, par ce procès-verbal, que vous auriez eu à vous plaindre de monsieur le baron Larade. Oui, monsieur le substitut. Qu'est-ce qui vous a fait? Il a usé vis-à-vis de moi d'un terme non adéquat à l'uniforme dont je suis revêtu. Oui, enfin, tranchons le mot, il vous a appelé moule. Sauf votre respect. Vous êtes bien sûr? C'est consigné à mon rapport, là. Je vois, je vois. Seulement de l'humeur dont je vous sais, pouvant d'une part suspecter à bon droit une susceptibilité toujours prête à prendre la mouche, d'autre part, connaissant le baron comme je le connais, j'en arrive à me demander quel concours de circonstances a pu pousser, à tort, un homme si paisible et si doux, l'expression même du savoir-vivre, de la courtoisie et de l'aménité. Moule ? Moule. Le diable m'emporte si j'y comprends un mot. Le baron Larade est là, monsieur le substitut. Ah, qu'il entre. C'est bien, gendarme. Je vous rappellerai tout à l'heure. Bonjour, baron. Entrez donc, je vous prie. Vous allez bien ? Moins bien que vous. En voilà une aventure. Vous insultez la gendarmerie à présent. Oh, m'en parlez pas. C'est vrai, alors ? Ce ne l'est que trop. Vous avez qualifié de moule le gendarme la Bourbourax ? Oui, monsieur le substitut. Le bon Dieu vous bénisse. Une jolie affaire, baron, que vous vous êtes mis sur les bras. C'est grave, hein ? Comment si c'est grave ? 6 jours à 3 mois, tout bonnement. 3 mois de prison ? Madame ! Oh ! Je suis déshonoré. Pas encore. Attendez un peu. Vous aurez tout le temps de vous faire sauter la cervelle. Oh. Non, nous allons procéder par ordre. Et tout d'abord, assis sur ce siège d'infamie... La vérité qui rit. Vous allez, mon cher baron, me faire le récit détaillé de votre exécrable forfait. Il convient que je sache si le monstre a la vie dure, pour le cas où, on ne sait jamais, je concevrai le large dessein de l'étouffer dans ses langes. Cher et excellent ami. Je vous écoute. Il y a 1 huitaine de jours, j'étais allé, comme à mon habitude, demander un peu d'appétit à la promenade et au grand air. Toujours comme à mon habitude, j'avais emmené Venceslas. Qui ? Venceslas ? Mon chien. Le petit ratier anglais qui ressemble à un radis noir. C'est cela même. Charmant animal, j'ai l'avantage de le voir quelquefois avec vous à la musique le dimanche. Trop aimable. Il n'a rien que de très ordinaire. J'y suis toutefois fort attaché, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, nous ne sommes plus jeunes, ni lui ni moi. Oh. Puis, nous sommes veufs tous les deux. Également intelligents, je le dis sans fausse modestie. Et de commerce plutôt agréable. En outre, comme tout s'est pareil avec cette petite bête, mon Dieu, comment dirais-je, stationne volontiers le long des murs. Et moi-même, ayant une cystite, nous pouvons, au cours de nos promenades, stationner aussi fréquemment que le besoin s'en fait sentir, sans crainte de paraître ridicule l'un à l'autre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme. C'est sur ces petites simplifications de la vie que reposent les vraies et solides affections. Ne le pensez-vous pas ? Pardon, je le pense tout à fait, au contraire. Il était 8 heures environ. Il faisait un temps magnifique. J'allais au hasard de la marche, buvant à plein poumon l'air pur de la campagne, bénissant le Seigneur notre Dieu d'avoir fait la nature si belle, et moi si digne de la comprendre. Dans mon dos, Venceslas trottait, goûtant lui aussi la douceur de cette ineffable matinée. J'entendais derrière moi le tintin du grelot pendu à son collier, un tintin qui s'accélérait et se ralentissait alternativement, selon que moi-même, plus ou moins, je hâtais le pas ou le modérais. De temps en temps, pour souffler, je prenais une seconde de repos. Alors, je n'entendais plus rien que le chant des alouettes invisibles, car Venceslas, dans le même instant, avait fait halte sur mes pas. Une églogue, quoi. Soudain, au loin, par-dessus l'océan de blé mûr qui moutonnait à l'infini, je distinguais le bicorne en bataille du gendarme la Bourbourax. Je devinais que le hasard allait nous mettre face à face et je me félicitais de cette bonne fortune. Je suis un homme simple, monsieur le substitut. Je suis un homme sans méchanceté. Non. L'uniforme n'a rien qui m'effraie et la vue des gens de bien me fait toujours plaisir. Je me préparais donc à jeter aux gendarmes un souhait affectueux de bonne santé. Quand, jugez de mon étonnement, ce militaire qui m'avait joint rectifia la position et tirant un calepin de sa poche, « Ordonnance de police, dit-il. » Les chiens doivent être tenus en laisse. Le vôtre étant en liberté, je voudrais ce procès verbal. Procès verbal ? Je vous demande un peu. Oh. Un petit chien, gros comme le poing, si gentil, si doux et sociable, victime d'une mesure... Une mesure de sécurité générale, sans doute, mais qui demandait à être appliquée avec quelque discernement. Il est clair qu'un chien comme le vôtre, bien tenu, bien portant, gras, ne saurait être assimilé au chien malheureux et errant que vise l'ordonnance de police. C'est mot pour mot le discours que me tint le maire, homme charmant. à qui je m'empressais d'aller conter ma mésaventure, et qui s'en montra fort mari. Ah. Il reconnut que le gendarme avait, dans la circonstance, manqué du tact le plus élémentaire, ben voyons, et me renvoyait rassuré, m'engageant cependant, pour éviter de nouveaux ennuis, à tenir Venceslas en laisse jusqu'à plus ample informé. L'affaire de 2 jours, tout au plus, le temps pour lui demander le gendarme et de lui glisser à l'oreille quelques mots touchant mon affaire. Et vous vous conformâtes, je pense, à cet avis plein de sagesse. Oh, n'en doutez pas. À la bonne heure. J'achetai donc une laisse de 20 sous et j'y attachai Venceslas. Il en parut surpris. Disons plus. Mortifié. Je cherchais le mot. Mortifié. Comme j'ai eu l'honneur de vous l'exposer, il n'est plus jeune, à beaucoup près. Il jouit, le ciel en soit loué, d'une santé de tout point florissante. Mais enfin, il a atteint l'âge où l'on supporte malaisément un changement dans les habitudes. Et c'était cette laisse tout un bouleversement dans sa petite existence de chien. De l'instant, oui, de l'instant même où il cessa de se sentir libre, il se refusa systématiquement à me suivre. Rivé des 4 pattes au sol. En vain, je tâchais de le raisonner, m'excusant, invoquant le cas de force majeure, en appelant à son bon cœur et faisant surgir à ses yeux l'inquiétante silhouette du gendarme, peine perdue. Il demeurait sourd. Il secouait furieusement la tête, voulant dire par là sans doute qu'il était de mœurs insoupçonnables et n'avait rien à démêler avec la gendarmerie. Oh, grandeur ineffable des consciences tranquilles. Ainsi, 2 jours. Nous nous promenâmes par les champs et par les bois, moi à l'avant, lui à l'arrière, tirant chacun sur une extrémité de la laisse, à ce point qu'on n'eût pu savoir lequel de nous deux tenait l'autre. Et cette vie, en vérité, devenait insoutenable et odieuse. Quand brusquement, à un détour du sentier, je me retrouvai en présence du gendarme La Bourbourax. Le maire m'a parlé, me dit cet homme. Votre chien a le droit d'être libre. Bon, m'écriai-je, et je me baissai pour détacher le mousqueton fixé au collier de Venceslas. Mm-hmm. Lorsque le gendarme reprit, vous le tenez en laisse, cependant. Pourquoi le tenez-vous en laisse? Je vous dresse procès verbal. Non. À cette déclaration inattendue, une douce gaieté s'empara de moi. Le gendarme, fronçant le sourcil, dit que je raillais l'autorité. Je haussai les épaules. Oh, oh, le gendarme s'emporta. Je répliquai. Il m'imposa silence d'un ton que je jugeais inconvenant. Oui. C'est alors que, perdant la mesure, je tournai le dos à ce militaire en lui jetant de biais cette parole qui m'amène aujourd'hui devant vous et qui demeurera à tout jamais le remords de mon existence. Gendarme, vous êtes une moule. À vrai dire, si grand soit-il, votre crime perd tout intérêt comparé à l'affaire Fualdès. Je m'en doutais un peu. Alors. Alors. Le diable soit de vous, cher ami. Pour une fois que vous manquez de respect à un gendarme, vous n'avez pas la main heureuse. Je donnerais de bon cœur 500 francs de ma poche pour que vous ayez injurié le gendarme Petit Grignol ou le brigadier Montpétaz. Avec ces gens de sens rassis, on pourrait discuter, s'entendre. Mais le gendarme La Bourbourax, dont le nom seul évoque une idée de catastrophe. Il ne peut rien sans vous. Je ne peux rien sans lui. Oh. Nous sommes vous et moi dans ses mains, qui n'y mettent pas de complaisance, comme le gendarme de la chanson, et c'est... C'est la correctionnelle. Hélas. La flétrissure d'une condamnation. J'en ai plus peur qu'envie. Enfin, prenons toujours le vent. Gendarme. Je mets mon sort entre vos mains. Approchez-vous, gendarme, et causons en amis. Il est malheureusement établi que vos griefs sont fondés et que M. le baron Larade s'est rendu coupable envers vous d'une incontinence de langage. Il m'a appelé moule. Il l'avoue. Et il en est au désespoir. Oh, ça. Il me charge donc de vous transmettre l'expression d'un repentir qui n'est pas équivoque. Mmh. Et c'est de grand cœur, n'en doutez pas, que je me fais auprès de vous l'avocat de sa cause. Laissez-moi croire qu'elle est à demi gagnée déjà. Raisonnons. Vous n'ignorez pas que Monsieur le baron Larade est une des notabilités les plus justement appréciées de notre petit coin provincial. Homme de tenue, respectueux de nos institutions, ami de l'ordre et de ses gardiens, il honore votre caractère à l'égal de votre personne. Dieu. Et il vous serait reconnaissant... Oh, jusque dans la nuit du tombeau. Si, usant de la miséricorde et du droit d'indulgence acquis à tout passé irréprochable, vous consentiez à oublier la faute en faveur du remords qu'il expie. Bon, je m'associe pleinement pour mon compte au vœu de ce parfait galant homme. Mais un peu de charité, sacrebleu. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais vous-même, d'ailleurs, il faut bien le dire, avez rendu compréhensible l'écart de langage en question par votre double interprétation, d'abord excessive, puis absurde, d'une réglementation, tranche en mots, élastique. Élastique. Je vous supplie d'y réfléchir. Retirez votre plainte, croyez-moi. Vous ferez ainsi œuvre de bonne grâce et vous épargnerez du même coup à notre humble et chère petite ville l'affront d'un scandale public, le deuil d'une inimitié entre deux personnalités également considérées, la vôtre, gendarme, et la sienne. Mais répondez donc quelque chose. C'est exaspérant à la fin. Soit. Je répondrai en ces termes. Baron, avez-vous dit que j'étais une moule, oui ou non? Oui, je l'ai dit. Bien. Le pensiez-vous? Moi? Oh, mais pas un instant, gendarme. Pas une minute, pas une seconde. Vous le jurez? Sur mon honneur. Vous n'en êtes donc que plus coupable. Oh, homme sans pitié. Oh, oh, voyons, voyons, gendarme. Ce n'est pas là votre dernier mot. Mais... Vous ne voudrez pas pour une sottise qu'il est le premier à déplorer, infligée à un homme de 65 ans, justement orgueilleux d'une vie qu'il ose proclamer sans tâche, une fin qui serait un écroulement et qu'empoisonnerait à jamais la honte d'un casier judiciaire. Et vous demeurez indifférent à une douleur si ingénue? Et l'acte de contrition où s'humilie ce pauvre homme ne vous apparaît pas comme la plus éclatante de toutes les réparations? Mais quel appétit de vengeance! Pardon. Une supposition que moi, je l'aurais appelé visu. Oh, appelez-moi comme vous voudrez, pourvu que vous ne m'appeliez pas en police correctionnelle. 3 mois de prison. Oh, mon Dieu. Voyons, vous êtes père de famille. De lourdes charges vous incombent. Mais sans vouloir me faire l'apôtre de certaines revendications sociales, j'oserais dire que l'État ne reconnaît pas toujours avec la générosité souhaitable le mérite de ses serviteurs. Le militaire n'est pas riche, comme le dit une chanson célèbre. Si je pensais qu'une indemnité raisonnable de 150 à 200 francs... Êtes-vous fou, baron, vous dites? Je dis que si une petite somme de 25 louis, par exemple... Tentative de corruption envers un fonctionnaire public. Je porte plainte entre les mains du dépositaire des lois. Ça y est. Quoi? Le délit est flagrant. Article 179, 3 à 6 mois, c'est bien simple. 6 mois de prison? 6 mois de prison? Ah, gendarme, à la fin, prenez garde. Plaît-il? Baron. La moutarde me monte, gendarme. Et je commence à me demander de quoi je ne serais pas capable. À quelles extrémités fâcheuses? Menace à un agent de la force publique dans l'exercice et à l'occasion de ses fonctions. Je requiers, contre le délinquant, l'application de l'article 224. Oh, c'en est trop. Halte-là, que... calme, je vous prie. Gendarme, vous avez raison. Et votre plainte est légitime, je la reçois donc en conséquence. Un mot pourtant. Vous avez l'heure? Midi 16 minutes. Vous avancez? Non. Si? Faites excuse. J'ai réglé ma montre ce matin sur l'horloge de la caserne. De la caserne? De la caserne. En ce cas, vous êtes impardonnable. Car depuis 16 minutes déjà, au terme du manuel sur le service intérieur, vous devriez être en chapeau, en tunique et en baudrier. Le fait de vous afficher à une heure aussi tardive, dans le débraillé, où je vous vois, constitue donc de votre part une violation systématique des règlements en usage, un manque d'égard volontaire à la majesté d'un lieu que j'ai charge de faire respecter. Pourtant... Taisez-vous. Bon. Voyons, ma plume. Ah, voilà. Je crois devoir signaler... à l'appréciation de monsieur le commandant de place, l'attitude du gendarme Labourbourax, qui, dans un but évident de provocation, affecte d'étonner le palais de justice par l'inconvenance de sa tenue. Portez ce mot à son adresse. Je suis ici pour recevoir des ordres et pour les exécuter. la lettre sera remise à son destinataire. Je l'espère bien. Je me permettrai pourtant de faire remarquer au juge qui m'interlocute qu'avec un motif pareil, je n'y couperai pas de mes 30 jours. Tant pis. Je lui ferai également observer, avec tout le respect voulu, que depuis bientôt 25 ans, je sers fidèlement mon pays, que je m'honore d'avoir un livret militaire vierge de toute punition, et que celle qui m'atteint au déclin de ma carrière m'est plus cruelle qu'un soufflette, étant un démenti donné devant tout le monde à mon passé immaculé. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je serais porté à penser qu'un acte de clémence, de générosité... Où diable voulez-vous en venir? Vous ne plaidez pas pour vous, je pense. Mes torts ne sont pas tellement graves que je ne puisse les présenter sous de favorables auspices. Je ne vous dis pas le contraire, mais qui donne la leçon doit l'exemple. Sévérité bien ordonnée commence par soi-même, et à gendarme sans pitié, magistrat sans mansuétude. J'ajouterai encore... Rien du tout. Voici complété, par l'adjonction des deux flagrants délits nouveaux, le dossier de l'affaire Larade. Veuillez y jeter un coup d'œil et signer vos déclarations. Le gendarme est sans pitié, mais il n'est pas sans grandeur d'âme. C'est à son éloge. Que faites-vous? J'abdique mes revendications par égard pour une tête chenue. Comme vous voudrez. La farce est jouée, baron. Vous pouvez retourner au cercle. Oh, vous retirez votre plainte! Vous retirez votre plainte! Gendarme, vous êtes une moule! Eh? Quoi? Eh? Oh! Une mère! La langue m'a fourché. Gendarme, vous êtes une mère!